T'en as besoin, vitamine. Tu tiendras pas les 12 rounds tonight. Bébé, tu sais que ça va être ta night, so. Tu sais, j'ai envie de te toucher. Crash.